question. Suivi de la période de réponse. Tu dis que l'on doit pardonner à l'autre, mais on pardonne après avoir culpabilisé ou jugé. Donc, le pardon et la culpabilisation sont deux formes de manipulation. Ne vaut-il pas mieux comprendre? Bon, ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que l'ego ne comprendra jamais. Et le pardon, c'est un travail de l'ego. Il y a, et je le répète souvent, il y a une énorme différence entre ce que l'on vit au niveau de la tête, au niveau du mental, et de ce qui est vécu au niveau de la psychologie, au niveau de l'ego. La majorité des personnes qui se conscientisent souvent voient une vision claire de leur situation, de ce qu'elles veulent faire au niveau du mental, mais elles ne peuvent pas avancer parce que leur ego travaille contre elles. Alors, c'est la même chose ici, ce sont des lois, mais ce sont des mécaniques astrales. C'est comme si tu dis à une personne, c'est important que de temps en temps, tu ailles voir un film qui va te plaire, que tu lises un livre drôle, que tu rencontres des gens pour niaiser, dans le sens s'amuser. La personne, elle peut dire, ouais, mais c'est uniquement astral, ce serait bien mieux si on comprendrait la mécanique. Le corps astral a besoin d'être nourri. Donc, même si on comprend la mécanique, on va faire ce que l'astral a besoin. Dans le corps astral, il y a un ego, c'est un virus. Et lui, il est facilement manipulable. Lui ne comprend pas, il apprend. Mais il s'apprend énormément de répétitions pour qu'il apprenne. L'ego, c'est le siège de l'âme. Et l'âme, ça évolue dans le sens mémoriel, mais ça ne se conscientise pas. Une âme, ça ne comprend jamais rien. Alors, la personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'au niveau de son ego, elle est mal prise. Les liens karmiques se font uniquement au niveau de l'astral. Alors, il y a des lois qui sont prévues dans l'astral que l'ego va accepter. Exactement, quand une personne a besoin d'être confirmée, eh bien, elles vont voir qu'une personne qu'elle considère comme étant dans une supériorité au niveau de l'autorité, une personne vient me voir et elle me dit, Daniel, est-ce que ça se peut que j'aie vu telle chose? Bon, ben, elle a besoin d'une confirmation. C'est tout. Mentalement, elle l'a vu, elle est sûre qu'elle l'a vu mentalement. Son ego n'est pas encore prêt à accepter ce que le mental perçoit, fait qu'elle va voir quelqu'un d'autre. Alors moi, je lui dis, ben oui, c'est vrai. Si tu l'as vu, tu l'as vu. Si tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu. Ben, je savais, là, ça en va tout content. Ben, c'est ça. C'est son ego qui a compris. L'humain, c'est évident qu'un jour, l'humain n'aura plus de karma. Donc, l'humain n'a plus de karma, l'humain n'aura plus besoin de se pardonner ou de pardonner. Tant que l'humain a des l'ego, l'humain se ramasse avec du karma. Puis, nécessairement, la culpabilité, c'est un gros, gros problème. Puis, le pardon nous absout de la culpabilité. Alors, puis ça, la culpabilité, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on vit pleinement. Donc, tu te rappelles qu'on a fait des essais, à un moment donné, on prenait, avec un exercice particulier du PMC, on vérifiait qui, parmi les personnes présentes, n'était pas prêt à être riche. Alors, on demande à une personne, toi, est-ce que tu veux être riche? Ah, ben, je comprends donc. Parfait. Couche-toi là, on vérifie d'une certaine façon, la personne découvre que non, elle veut pas être riche. Absolument pas. Là, on lui dit, imagine que tes parents sont morts. Bon, là on recommence. Ah, le maintenant est prêt à être riche. Tant que ses parents sont vivants, son ego va se sentir coupable d'être riche si ses parents ne le sont pas, et son ego va travailler contre elle et l'empêcher d'être riche tout le temps que ses parents vont être vivants. Il y en a d'autres, ça va être, imagine que tu gardes tes amis même si tu es riche. Ah, ça y est, prêt à être riche. Donc, inconsciemment, elle avait peur de perdre ses amis, ça devenait riche, ce qui fait que mentalement, elle voulait être riche, mais égoïquement, elle travaillait contre. C'est toutes des petites choses. Le pardon sert à ça, ça sert au niveau de l'astral. La personne a la raison dans le sens que quand un humain parvient à un état où elle comprend les choses, où elle est suffisamment égoïque, ben là, effectivement, on n'a pas besoin de pardonner parce qu'on n'a pas rien à pardonner. On agit dans l'intelligence. C'est évident. Moi, je pourrais dire simplement, puis la personne a la raison dans ce sens-là, pourquoi tu irais demander pardon si tu étais manipulé à le faire, si c'est pas toi qui es le responsable? C'est vrai. Mais égoïquement, l'humain est implanté de culpabilité. Puis la façon de se dire que de ramasser l'énergie qui est brûlée dans la culpabilité pour faire d'autres choses, c'est le pardon au niveau de l'astral. Et c'est la culpabilité, c'est une mécanique astrale. Donc, on prend donc une mécanique astrale pour arriver à la dissoudre. J'ai l'impression qu'il y a de nombreux schizophrènes qui sont habités par des entités qui les contrôlent. Est-ce vrai? C'est totalement vrai. D'ailleurs, tous les schizophrènes sont des gens possédés. Si oui, comment aider ces schizophrènes? En des possédants. C'est ce que font les médecins. Ah, ils dépossèdent de leurs moyens pour aller. Ben, c'est les charlatans, ils dépossèdent de leur. Ils dépossèdent, ils prennent leur argent, ils prennent. C'est ça. Ben, c'est ce qu'ils font. Bon, schizophrénie, c'est effectivement une possession pathologique. Bon. De base, tous les humains sont possédés. Alors, il y en a qui sont ramassés à un moment donné, que la vie va bien, bien, bien, puis subitement, ils te font une folie absolument, ça n'a aucun sens. Après ça, quand tu revois la personne un mois, deux mois, deux ans après, ben, tu ne peux pas comprendre qu'elle a fait ça. Elle était possédée sur le moment, c'est tout. Elle n'a pas se culpabiliser, elle va se culpabiliser quand même, ça va être bon à un moment donné qu'elle se pardonne, pour éliminer. Les humains sont tous possédés, parce qu'il n'y a pas un humain. Vous, là, vous êtes intelligents, ceux qui sont ici. Ah, fait ceux qui sont pas ici aussi. Mais quand il pleut, puis vous chiolez, est-ce qu'un être intelligent chiale quand il pleut? Non. Ben, c'est ça. On est possédé. Quand vous vous couchez, c'est pour dormir. Ça prend combien de temps avant que vous vous endormiez? Ben, écoutez, c'est pour dormir, hein, si vous vous couchez. Ça ne fonctionne pas, ben c'est ça. L'humain est possédé. Moi, j'appelle ça, c'est par un virus, c'est l'ego. Ben, c'est l'âme tout court. Mais il y a des possessions qui sont pathologiques. Comment on fait pour aider les schizophrènes? On ne peut pas aider les schizophrènes présentement. Parce que l'humain, pour aider un schizophrène, on peut aider un peu, on peut toujours aider un peu un schizophrène. Mais moi, quand je parle d'aider un schizophrène, ce serait par exemple d'exorciser tous les schizophrènes. On rendrait le monde de la mort schizophrénique. Mais l'humain, pour arriver à aider ces gens-là, doit être, si on parle d'être nouveau, si la personne est totalement désassujettie, totalement transparente avec elle-même, donc totalement détachée du monde astral, elle va nécessairement être capable, uniquement par la perception vibratoire, de nommer la forme astrale qui possède les individus. Elle va leur ordonner de sacrer le camp, puis les parties astrales vont devoir s'en aller. Sauf que la majorité des personnes qui pourraient tenter ça aujourd'hui risquent de se ramasser avec la chose qu'elles vont exorciser. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que les prêtres se protègent énormément, ils ont un paquet d'attirail. D'ailleurs, la meilleure protection des prêtres, c'est bien simple, c'est qu'ils n'exorcisent pas. Bon, ils n'exorcisent plus. Il y en a trop qui sont morts dans l'exorcisme de leur fonction, alors depuis ce temps-là, c'est fini, on ne veut plus. Une chose qui est évidente, c'est qu'un être humain intelligent qui est dans un contexte de personnes schizophréniques, par imprégnation à moyen terme, les schizophrènes vont finir par être réhabilités. Quand je parle d'intelligent, je ne parle pas d'intellectuel nécessairement. Là. Je parle d'une personne qui rayonne par imprégnation. Elle va de toute façon changer et le personnel de la place et les malades de la place. Mais je ne vais pas donner de trucs immédiats comme ça parce que ce n'est pas le temps. Il y a des personnes qui vont se ramasser avec les problèmes des autres. Je sors du sujet un peu, mais ça reste dedans en même temps. Parce qu'il vient de me passer une idée. Au moment où le Nazaréen a crié à Lazare, Lazare sort. Est-ce que c'était pas plus une dépossession aussi en même temps qu'une réanimation? Non, quand le Nazaréen a rencontré des personnes qui souffraient de formes d'épilepsie, qui souffraient de schizophrénie, qui souffraient de certaines formes de psychose, ces choses-là, là, il nommait le nom de l'entité. Dans le cas de Lazare, Lazare a été initié, Lazare a gagné le monde de la mort tout en conservant son corps vital. Lazare a fait un transport séraphique, c'est-à-dire que Lazare a habité son dos éthérique et il a gagné le monde de la mort. Et dans le monde de la mort, Lazare a expérimenté des choses, bon, sur lesquelles on va passer, des choses qui touchent plus le séminaire, c'est trop long à expliquer. Et puis, à un moment donné, Lazare n'était pas suffisamment énergisé pour retrouver son corps physique. Le corps physique n'était pas suffisamment lumineux. Le corps physique était déjà d'ailleurs en décomposition. Alors, le Nazaréen l'a laissé quelques jours dans le monde de la mort pour qu'il puisse faire ses expériences. Et par la suite, quand il est arrivé près du tombeau, ben, il l'a appelé du monde de la mort. Et là, Lazare a retrouvé, il a vu le Nazaréen qui était suffisamment énergisé. Et rendu près de là, il a retrouvé son corps physique, il l'a réhabité. Donc, il l'a réénergifié aussi, ce qui fait que même si le corps avait commencé la décomposition, le corps a été restauré. Alors, dans ce cas-là, il l'appelait simplement pour lui dire où c'est qu'était la maison. Comment parler à quelqu'un d'une expérience vécue sans en perdre l'énergie? Ben, parlez-en pas. Vous allez gagner en énergie quand l'humain va comprendre ce que c'est qu'une synergisation, il n'y aura plus de problème. Si on apprend, c'est compliqué. Si on comprend, ça devient facile. Mais c'est compliqué de comprendre. En tout cas, une synergisation, c'est lorsque, en échangeant de l'énergie, on augmente notre potentiel d'énergie. Alors que la majorité des échanges d'énergie sont malsains, mal faits, les personnes perdent en énergie. Moi, j'ai vu une expérience particulière, je t'en parle à toi, et si émotivement, on ne se met pas trop à jouer avec ça, si on en parle, vous savez, on peut jouir astralement et psychologiquement, émotivement d'une expérience, mais on peut en jouir mentalement. Et si on en jouit mentalement, on va rentrer dans la synergisation. Ça va nourrir le corps astral quand même, donc il va être bien content, lui, mais en plus, on va gagner en énergie. Alors moi, j'ai vécu une expérience particulière. À un moment donné, je suis monté sur une pyramide dans la jungle du Péten, et puis je me suis assis en haut de la pyramide, une pyramide de près de 100 pieds de haut, et puis j'ai attendu un peu, puis à un moment donné, eh bien, j'ai commencé à voir un farfadet à côté de moi, un petit bonhomme mauve, et puis des petites choses comme ça. Et puis après ça, j'ai fermé les yeux, puis j'ai entendu après un bout de temps des bruits de chaînes, des chants, etc. J'ai ouvert les yeux. Puis là, il y avait des centaines de personnes en bas du temple, sur le territoire. J'étais à Tikal. Et puis j'avais les deux poignets enchaînés avec des chaînes qui étaient dorées. Et puis il y avait des grands prêtres, des simagrés qui parlaient un dialecte que je comprenais très bien. Et on allait me sacrifier. Bon. Je peux t'en parler. Puis lui va commencer à me dire, ah ben peut-être que si, puis là, on commence à choisir. On est au niveau du plan mental. Alors, c'est pas long que je vais gagner de l'énergie, puis lui aussi, dans notre discussion. Tandis que, waouh, tabarnouche, t'as voir, c'est sérieux, puis là, on commence, on se met à triper, ben là, on perd de l'énergie tous les deux. C'est capotant, c'est ça. J'ai viré sur le capot 4 fois, d'ailleurs, regarde-moi la tête. Et puis, après la conversation, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver simplement que j'aurai plus l'impression que j'ai vécu ça. Je serai plus sûr. Moi, savoir émotivement, mais ça ne me servira plus de la même façon, j'aurais perdu de l'énergie. Tandis que si j'en parle à des gens, à une personne de mon calibre, à une personne intelligente, à une personne capable de discuter sur un autre plan, ça ne nous empêchera pas de nourrir notre plan astral, c'est essentiel qu'on nourrisse. Mais ça va nous permettre d'entrer dans une synergisation où là, on va tous les deux ramasser de l'énergie dans les échanges qu'on aura fait. C'est ce qu'une personne doit faire dans n'importe quel genre de communication, si possible. Comment avoir l'attitude de la foi de ne pas dépenser plus qu'on a et d'avoir l'attitude du riche? Ben voilà, c'est très simple. Dépensez pas plus que vous avez automatiquement l'attitude du riche. Hein? Les riches dépensent pas plus que ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils sont riches. Bon. Il y a des riches et des mecs qui dépensent pas du tout. Bon, ils sont encore plus riches. En argent. Mais ils n'ont pas compris. On ne doit pas dépenser au-delà de ce qu'on a. Ni en amour, ni en affection, ni en temps, ni en argent, ni en santé. Courez pas le marathon quand vous pouvez pas. Là, vous dépensez plus que ce que vous avez au niveau de la santé. Donnez pas de l'affection à quelqu'un, autrement dit, commencez par faire du bénévolat si vous êtes déjà en pénurie d'affection, puis en donnant, vous allez en ramasser un peu, parce que l'humain il est tête, il est bon. Mais à un moment donné, vous pouvez en manquer, vous allez être triste pour un tel, prendre les gens en pitié, là, vous avez donné plus d'affection que ce que vous étiez nantis. La finance, c'est la même chose, on ne dépense pas plus que ce qu'on a. C'est le premier principe, ne pas dépenser plus que ce qu'on a, ne pas dépenser ce qu'on va avoir, avant de l'avoir. Bon. L'attitude du riche, c'est ça. L'attitude du riche, c'est pas de pavaner. Celui qui pavane, c'est un gardien de la finance. Il a de l'argent, ce n'est pas un riche, c'est pas son argent. Mais présentement, c'est lui qui est le gardien, il faut bien que quelqu'un la garde. Alors on le donne à quelqu'un, c'est pas vous. Il y en a quelques-uns ici qui ont des gardiens de la finance, c'est intéressant. Mais la personne, elle va finir par avoir l'attitude du riche, quand on parle de riche en temps et en argent, lorsque dans sa tête, les choses vont être claires. Moi, je travaillais pour Urgent Santé, je faisais un petit salaire, à l'époque, on avait un salaire minimum, comme de le dire. Et puis, j'avais deux copains qui restaient avec moi dans la même maison, on partageait le loyer, et eux, ils gagnaient plus d'argent que moi. Moi, j'avais un Jeep, eux aussi, ils avaient un Jeep. On avait 3 Jeeps pareils, des hommes en jeu. Et puis c'était correct. Ça restait jamais pris l'été. Et puis, ça démarrait de temps en temps. C'était pas pire. Et puis, à un moment donné, bien moi, j'ai changé mon linge. Je me suis acheté une nouvelle auto, une auto neuve. J'avais fini de payer mon Jeep. Mes deux copains qui gagnaient plus que moi, eh bien, il a fallu que j'achète le mobilier de salon tout seul, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Et puis, il n'a pas fini de payer le Jeep. Et puis, il n'y avait pas de système de son, moi non plus. Et puis, il était plus aussi mal habillé que moi. Et finalement, on pouvait constater qu'eux avaient gagné plus d'argent que moi, puis avaient moins en actif que moi. Pourtant, il ne semblait pas qu'ils sortaient plus que moi. Il ne semblait rien. J'ai pris leur budget en main. Parce que celui qui n'a pas l'attitude du riche, là, ben lui, c'est tout de fait essentiel qu'il achète. C'est pas sa faute. Et puis après quelques mois, ben, ils ont commencé à faire un peu d'argent parce que je gérais leur budget. Je leur ai remis leur budget entre les mains, puis ça n'a pas pris longtemps que le carte de crédit était tout encore endetté, tout était à manche au complet. L'attitude du riche, c'est vraiment pas de pavaner. Je me suis habillé longtemps avec le linge de mes amis. Le linge, je ne leur faisais plus. Puis pendant les certains hivers, j'avais 2-3 manteaux de printemps sur le dos pour avoir chaud. Puis j'avais des bottes avec du grand poil. Les autres, ils m'avaient donné les bottes parce que le grand poil blanc était tout noir. C'était crotté dans la ville, tu sais, les bottes avec des... C'est les limodes, en tout cas. C'était chaud. Et puis j'avais l'attitude du riche. pas parce que je prenais le linge des autres, parce que je vivais selon mes moyens. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à monter de standard de vie, puis j'ai fait monter la matière en même temps que moi. Vous comprenez l'idée? Je n'ai pas fait pour monter la matière avant moi, dans l'espoir qu'elle me grimpe en haut. Je suis monté la matière. À un moment donné, c'était évident que je devais changer de standard de vie. Je devais m'acheter une nouvelle automobile, m'acheter du nouveau linge, etc. J'ai tout fait ça. J'avais l'argent pour le faire. Je me suis ruiné. Non, il me restait encore quelques centaines de dollars en banque après avoir fait changer de changement. Deux semaines après, j'ai rencontré un bonhomme qui m'offrait deux fois le salaire que je gagnais pour Urgence Santé, qui m'offrait un travail dans quelque chose qui m'intéressait. C'était pas prévu. L'intelligence créatrice, c'est ça. Là, je savais que c'était le temps. Il y en a que tu connais très bien qui, eux, se sont fait fourrer parce qu'ils pensaient que c'était le temps. C'était pas le temps. Bon. Moi, je savais que c'était le temps. J'ai fait ça. Et puis après ça, ben, il y a un bonhomme qui est arrivé, puis il m'a engagé, puis depuis ce temps-là, j'ai continué, puis là, je suis rendu. Puis c'est grâce à lui. Je suis le seul gars qui lui a manqué. Hein, puisque les autres, c'est pas. C'est ça, il t'a manqué, c'est vrai. Mais c'est ça. L'attitude du riche, c'est simplement une attitude qui fait que... Quand on parle d'attitude du riche, là, développer une attitude d'aristocrate. C'est juste ça qu'il faut faire. L'aristocratie, c'est l'intelligence exprimée à travers l'humain. On parle d'aristocratie de l'ère nouvelle. On parle pas d'aristocratie snob. On parle d'aristocratie réelle. Il y a toujours eu des aristocrates réels. Il y a toujours eu des aristocrates qui n'étaient pas. C'est des parvenus. C'est l'attitude de l'aristocratie. On est riche quand on parle bien. On est riche quand on est capable de prendre du temps pour se mettre en santé. On est riche quand on ne passe pas notre temps à s'engueuler. On est déjà l'attitude de l'homme, l'attitude de l'aristocrate. L'homme a l'attitude du riche. On est riche quand à un moment donné, eh bien, on décide qu'on peut s'acheter une petite affaire. J'ai pas beaucoup d'argent, mais écoute, je le mérite, je me l'achète. Là, on est riche. On s'achète pas tout de suite un paquet d'affaires. Mon premier système de son, je l'ai acheté, je devais avoir 20, 27 ans. Je n'ai jamais eu avant. Puis celui que j'ai acheté, ben, je l'ai acheté tout le temps. Mais là, je pouvais l'acheter. Puis je l'ai acheté, bon, en cadeau de Noël pour la famille, puis pour moi en même temps, parce qu'il faut récompenser nos égaux. Il m'avait permis d'avancer, il ne m'a pas trop dérangé, un peu, pas trop. Je l'ai récompensé, puis là, il écoute de la musique. Moi, je peux faire d'autres choses. Et puis, mais c'est ça l'attitude du riche. C'est très important de comprendre que ce n'est pas une question d'avoir de l'argent. C'est une question d'être déjà dedans. La majorité des personnes qui ont fait des révolutions pour jeter les rois à terre, c'est les gens du peuple. C'était les anciens rois réincarnés dans le peuple. Ils étaient pauvres. Mais quand on les rencontrait sur la rue, on était prêt à les suivre. C'était des rois, c'était des reines, c'était des princes, des princesses. Pourtant, c'était des gueux, étaient habillés tout croche. Ouais, mais c'était des riches. Riches, pas une bingue dans le sens financier. Je pratique souvent un rescon en voiture, mais parfois je dois m'arrêter parce que ça m'endort trop. Qu'est-ce qui peut être changé pour améliorer la technique? Ben, c'est très simple. D'ailleurs, tout est très simple, j'y suis de faire. La personne devra simplement déterminer si elle devra faire uniquement de la respiration, rescon, ça veut dire respiration consciente, de la respiration sous clavière, hein, pour amasser de l'énergie yin en ouvrant les capteurs yin. Si ça l'endort, ben là, c'est yang qu'elle doit respirer, donc abdominal en ouvrant les capteurs yin au niveau nasal. Et puis, normalement, l'un des deux devrait la maintenir éveillée, l'autre devrait l'endormir. Intercostal, ben, si c'est ça qui a tient réveillé, il faudra qu'elle pratique pas parce qu'elle n'aura pas assez de volume d'air pour conduire. La pyramide possède-t-elle une énergie particulière ou des pouvoirs quelconques? Peut-on l'utiliser de façon pratique? Oui. La pyramide, c'est une mécanique intéressante qui a ses avantages et qui a ses inconvénients. Ça répond bien à la question. Je suis connecté dans une place de politicien. OK. La pyramide, ça émet des ondes de forme, une énergie endoformique, c'est-à-dire une énergie particulière à la forme de la pyramide. Bon. L'énergie endoformique de la pyramide, c'est une énergie qui a tendance à restructurer le corps vital. C'est intéressant. Ça veut dire que tu peux prendre une lame de rasoir qui a été méchée un petit peu, pas qui est trop abîmée, mais disons qu'il ne coupe plus trop, tu la mets au centre focal de la pyramide, puis probablement qu'après un mois, elle va être très tranchante. C'est sûr que si vous attendez un mois pour vous raser, après la lame de rasoir, vous allez les mécher tout de suite en commençant. Bon. On comprend l'idée que pratiquement, c'est pas trop ça. On a un fruit qui commence à dépérir un petit peu, on le met en toute la pyramide, puis deux jours après, on le sort, normalement, il a repris sa maturité. Très intéressant, donc ça restructure le corps vital. Ça veut dire que tu es un petit peu malade, on te met en dessous d'une pyramide, et puis on te met au foyer central de la pyramide, ça va restructurer ton corps vital. Très intéressant. Mais il faut faire attention, ça restructure un peu le corps vital. Et la personne qui a perdu un bras ou une jambe, on la met en dessous d'une pyramide, ça va cicatriser plus vite. Bon. Mais ça, il ne faut pas pousser un bras d'une jambe. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'onde de forme de la pyramide, évidemment, on prend une petite pyramide, on la met en haut de sa tête, hein, puis ça émet une énergie. Mais on n'est pas dans le foyer de la pyramide. Pour être dans le foyer de la pyramide, on doit être dans une pyramide qui est complète. L'orientation a un effet selon ce qu'on veut aller chercher. Bon, mais au niveau de la restructuration énergétique qui est vitale, c'est pas important. Le problème, c'est que l'énergie de pyramidale, ça restructure le corps vital dans le but de momifier. Voilà, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a une personne que j'ai connue que lorsque j'étais jeune, elle dormait en dessous d'une pyramide. Alors, elle dormait dans sa pyramide, puis là, le matin, elle était pépante, envoyée donc, ça y allait par là, elle pétait comme elle n'avait jamais pété. Et puis, deux, trois jours après, elle a commencé à faire des cauchemars d'une façon géniale. Et 4-5 jours après, elle commençait à être noire, diabolique, bizarre. Et deux mois après, ben là, elle était réellement, réellement problématisée. Oui, la pyramide était progressivement en train de la tuer pour la momifier. On la conserve. C'est un friche d'air. Alors, évidemment, les pyramides, on peut s'en servir, mais il faut faire attention parce que c'est une problématique. Dans le sens que c'est un friche d'air. La meilleure onde de forme pour la majorité des choses que la pyramide amène, ça va être la coquille d'œuf, c'est-à-dire l'alliance du dôme, donc d'une demi-sphère, et l'alliance de la pyramide. Alors, on va retrouver donc une espèce de grande coupole. Là, on va pouvoir se servir de l'onde de forme de cette forme-là beaucoup plus longtemps que la pyramide. Le dôme est un peu moins puissant du point de vue des restructurations vitales. Mais par contre, le dôme, une fois qu'on, mettons, on vivrait dans un dôme, on peut vivre dedans sans arrêt, tout le temps, il n'y a aucun problème, on n'aura jamais d'effet secondaire. C'est plus long, mais quand tu es rendu à un point où on te restructure, le dôme continue à t'alimenter. La pyramide ne le fera pas. Maintenant que tu es restructuré, on va s'organiser maintenant pour te conserver. Ça va lentement figer la vibration au niveau de ton énergie vitale. Ça fige la vibration au niveau des plans atomiques, donc au niveau des cellules, etc. Puis c'est pas ça. Parle-nous de ta rencontre avec Bernard de Montréal. Oh, il filait bien. On se serrait à main. Non, c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on jase encore présentement. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps. Une amie me disait aujourd'hui qu'elle voit deux entités la nuit chez elle. Elle les entend discuter entre eux. Elle veut comment que la vie est bâtie. Il y en a qui en ont avec une entité, il y en a qui n'en ont pas, puis il y en a qui n'en ont deux. C'est injuste, ces choses. Elle les entend discuter entre eux, elle veut s'en débarrasser. Comment y arriver? Je pensais qu'elle voulait participer. C'est plate. Ils jasent tout seul, ils ne veulent pas y parler. C'est ça. Comme je le dis souvent, lâchez un bon pet dans la chambre, vous allez voir qu'ils vont s'en aller. Ça fonctionne. Faites du bruit, mettez de la musique, insultez-les, chiolez un peu. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les personnes qui ne perçoivent pas les entités ne peuvent pas comprendre que les entités, ça existe. Une personne pourrait dire, ben, écoute, t'as qu'à faire comme si t'étais pas là, puis en plus, c'est en imagination, c'est qu'à ça, de manger du beurre de pinot ce soir, puis ils vont aller mieux. Non, il y a des entités qui viennent, il y en a qui sont tapageuses, qui font du bruit, qui ouvrent des poltergeists, là, des esprits tapageurs. Il y en a qui viennent se coucher avec vous, il y en a qui embarquent dans votre lit. Moi, j'ai connu une femme, elle avait un peu un problème, elle, c'est qu'elle se faisait violer la nuit, tout le temps. L'entité passante était exactement comme si elle avait un gars sur elle. Ça s'est réglé, à un moment donné, dans un séminaire sur la colère mentale. Elle a fait des choses, l'entité est venue, elle l'a ramassé, puis on a réglé ça. La personne, quand une entité commence à se promener chez soi, là, puis qu'on commence à la voir, c'est qu'elle est réellement là. Premièrement, elle se sert de votre énergie vitale pour se densifier, pour s'ectoplasmiser. Hein? Ça crée un ectoplasme, on commence à la voir. Et puis, ce qu'on doit faire, il y a une chose intéressante qui peut fonctionner et que ça fait très, très, très vieux jeu, c'est d'accrocher une gousse d'ail dans sa chambre. Ça, là, il faut. L'ail a l'avantage de coller le corps vital sur le corps physique. Et quand on parle dans l'historicité ésotérique ou occulte des vampires, et on a des chauves-souris vampires, puis on a des maringouins vampires, puis on a des choses comme ça qui prennent le sang. Mais le vampire lui-même, c'était quoi? C'était un mort qui sortait de sa tombe, puis qui allait ramasser le sang des humains. Mais en réalité, c'est une entité, justement, qui vient du monde de la mort, puis qui va voler l'énergie vitale des personnes. Alors là, on disait dans un miroir, par exemple, elle n'est pas réfléchi. C'est évident, elle n'est pas là. On l'aperçoit, mais le miroir ne l'apercevra pas. C'est pas photonique, son apparition. C'est dans le plan astral, puis dans le plan vital. Et là, on disait aux gens, ben mange de l'ail ou accroche-toi de l'ail, ou etc. Mais l'ail, ce qui arrive, c'est que l'ail colle le corps vital sur le corps physique, donc le vampire ne peut plus le ramasser, il n'est pas assez fort. Fait qu'il allait vampiriser ailleurs. Dans ce cas-là, les personnes, les entités apparaissent, normalement, elles vont s'ectoplasmiser en prenant de l'énergie vitale sur la personne qui dort. Donc, en mangeant un petit peu d'ail, mais au minimum, vous leur ferez... Oh, ça fonctionne pas, ils sont là. Mais ce que vous devez comprendre, le monde de la mort fonctionne exactement comme les psychologies des vivants. Il se nourrit de notre psychologie. Vous connaissez la peur, ils connaissent la peur. Vous pouvez être insultable, ils sont insultables. Vous pouvez les frustrer, vous êtes frustrable, vous pouvez les frustrer. Ils sont exactement comme l'humain. Alors, à un moment donné, imaginez, nous, on discute quelque part, puis là, quelqu'un arrive dans la pièce, puis il commence à péter. Ça pue. Qu'est-ce qu'on fait? On va ailleurs. Bon, eux ne sentiront pas ça. Ils ne sentiront pas l'odeur sulfureuse, en tout cas, bon, hein? Ils ne sentiront pas ça. Sauf que, astralement parlant, ils vont avoir la même impression que quelqu'un. Ils vont se sentir insultés. Alors, vous jasez, vous parlez, vous les insultez. Et c'est les mêmes mécaniques. Ils vont aller hanter ailleurs. Alors, la personne, elle doit trouver une façon de faire en sorte qu'il décampe. Est-ce que des étoiles de David, ça empêche les entités? Ça va empêcher surtout la... Ça empêche surtout la pénétration dans un domicile d'une projection sortilège. Quelqu'un qui jette un sort, là, ben, ça va protéger contre ça. C'est-à-dire que ça marche mal. Ça revient contre la personne normalement. Puis si la personne est morte, ben, c'est ramassé par les statues de l'île de Pâques. Ça sert à ces statues de l'île de Pâques. Ça sera ramassé. Par la tanaille. Ils ont des grosses faces bizarres, ils sont tombés. Mais c'était bâti pour ça. Par des Tibétains, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est pas... contre les sorts, oui, mais il n'y a plus beaucoup de sorts aujourd'hui là, qui sont jetés dessus. Lorsqu'on évolue, est-ce qu'on devient plus sensible? C'est bon. Lorsqu'on évolue, est-ce qu'on devient plus sensible? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, on développe une sensibilité. L'évolution, c'est une chose. À un moment donné, on passe à la conscientisation où on commence à devenir des êtres écologiques, des êtres conséquentiels. Et on commence aussi à avoir la capacité de gérer, de régir un peu plus. Donc, on a une puissance créatrice. On peut être intentionnaliseur, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des intentions réelles, pas juste des réactions. Et nécessairement, on devient beaucoup plus sensible. Parce qu'on a des centres d'énergie qui vont s'ouvrir. On a le troisième œil, on devient clairvoyant, on devient clairaudient. On devient, plusieurs choses. Et on doit apprendre à résister, à supporter ce que ça nous amène, parce que ça fait souvent que les gens souffrent plus. Bon, les gens pleurent plus, les gens sont plus facilement irritables, donc nécessairement, ils deviennent plus facilement intransigeants, ce qui est très bon. Sauf que la personne doit faire attention à ne pas se déprimer. C'est la version mentale des problèmes humains que la personne doit développer. C'est que je veux être une colère mentale, une intransigeance mentale, un écœurement mental, mais pas au niveau astral, parce qu'au niveau astral, ça va puiser dans mon corps vital, ça va puiser dans mon corps physique, je vais me ramasser avec des maladies. Et effectivement, on devient vraiment plus sensible. Mais ça ne nuit pas quand on comprend à quoi sert la sensibilité. Quelle est la différence entre l'écœurement et la déprime? Être écœuré, c'est être déprimé en étant tout plein d'énergie. Bon. Puis être déprimé, c'est être écœuré, puis l'énergie du tout. Être écœuré, c'est quand on en a suffisamment. C'est quand on est totalement le même personnage qu'on était, on a la même énergie, mais on ne peut plus tolérer. Ça ne fonctionne plus. Quand on est déprimé, c'est quand on s'est carrément laissé détruire par la chose qui nous a écœuré. Alors, puis pour arriver à s'en sortir, normalement, souvent, il faut arriver à l'écœurement de l'écœurement. Il faut être écœuré d'être écœuré. Parce que l'humain, l'ego s'habitue à tout. Il est écœuré depuis 15 ans, il est habitué. À un moment donné, il faut qu'il s'écœure d'être écœuré. Comme les gens sont malades, finalement, ils finissent par être habitués à leur maladie, fait qu'ils ne guérissent pas trop. Alors, vous avez des caries, puis c'est nos caries, puis ils aiment bien nos caries, puis on ne fait pas attention. Puis comme ils se dégradent lentement, ben on s'habitue, puis ça ne dérange pas trop. Si du jour au lendemain, vous vous levez, puis pouf, vous avez un trou en plein milieu d'une incisive en avant, là, vous allez grimper, vous allez courir chez le dentiste. Mais si c'est une lumière, puis ça grossit lentement, à un moment donné, vous allez même être capable de voir votre luette à travers votre dent. Là. Ça fait pas mal, il n'y a pas de problème. Mal psychologiquement, tu sais, ou mal physiquement. Tu sais, si les voisins t'en parlent pas trop, ça ne dérangera pas trop. Donc, l'écœurement, c'est une friction entre notre intelligence et la stupidité extérieure. La déprime, c'est quand on a toutes mis nos énergies là-dedans, pas nécessairement dans le but de créer, c'est quand émotivement on se laisse courroyer par ça. Moi, je peux être écœuré de voir certaines choses, puis une personne déprimée, elle ne pourra plus rien faire. Elle va dire, oh, ça vaut même pas la peine de vivre, si haut, puis rien à faire. Puis elle ne peut pas prendre l'énergie que l'écœurement va lui amener pour faire quelque chose. Moi, je vais dire, bon, ben là, je n'ai pas le bol, je suis écœuré, puis là, ben bon, on va trouver, en tout cas, je déménage, je change, je crie, je chiale, je fais quelque chose. La personne déprimée, ça va être tout à fait l'inverse. Elle, va être, je n'ai pas un petit pain. Moi, j'ai mangé du petit pain, puis quand j'en avais eu ras-le-bol, ben, j'ai commencé à me faire du gros pain. Une personne déprimée, elle, ben, quand on a eu ras-le-bol, ben, elle a décidé que ça allait vraiment. Bon. Puis les gens déprimés, je n'ai rencontré pas mal. Faire un enfant, est-ce de la volonté créatrice? Ben, ça dépend, là. Faire un enfant, monsieur. Ça dépend de l'enfant, ou... Non, fabriquer un enfant, c'est... Non. Non, avoir un enfant, ce n'est pas de la volonté créatrice. Ça va être de la volonté créatrice quand l'humain n'aura plus... Quand l'humain ne sera absolument plus assujetti aux besoins des relations sexuelles. Quand l'humain est absolument plus un être sexuel. L'humain va être un être sexué. Sexuel. Alors, quand l'humain n'aura plus besoin de... Quand l'humain ne sera plus asservi par sa sexualité, et que l'humain va être sevré du point de vue psychologique, parce que souvent on fait des enfants pour pouvoir les téter. Quand l'humain va être sevré du point de vue psychologique et que l'humain va être totalement désassujetti du besoin sexuel, si l'humain fait un enfant, c'est effectivement l'expression de la volonté créatrice. Sri Aurobindo s'est incarné dans le corps de mère. La mère s'est incarnée dans le corps de qui? Mère s'est incarnée un peu dans cette prime. En majorité, c'est dans cette prime. Aujourd'hui, ils sont incarnés dans le corps de qui? Aurobindo, c'est un phénomène intéressant, parce que Aurobindo ne se réincarnera pas tel quel. Il s'est réincarné dans le corps de mère uniquement parce qu'ils ont vécu une fusion. C'est des rares individus qui étaient leur seul maître, puis leur union était limitée, c'est-à-dire que tu sais, on a un contrat, puis quand le contrat est fini, c'est fini. Et à un moment donné, de leur union limitée, ils sont passés à une union illimitée. Ils se sont fusionnés entre eux. Par la suite, donc, mère a vécu plus loin qu'Aurobindo. Et c'est intéressant parce que Aurobindo est mort. Bon, premièrement, Aurobindo avait encore un peu trop d'ego. Il avait trop de... son corps astral était encore un peu trop épais. Mais Aurobindo a décidé de laisser l'enveloppe physique pour s'incarner dans mer, pour se fusionner dans mer. Surtout parce que mer était énergiopathiquement en symbiose avec Aurobindo. Et mer ne pouvait pas comprendre tout ce qu'Aurobindo comprenait. Alors Aurobindo s'est incarné par fusion dans mer. Mer a subitement connu l'éveil d'une façon absolument géniale. Et elle a enseigné par la suite des choses qu'Aurobindo aurait enseignées. Mais c'est mer qui l'enseignait, c'était mer et Aurobindo. Le corps de mère, à un moment donné, a cessé de conserver l'entité mère. Cette prime en a ramassé une grande partie. Cette prime a continué à communiquer les écrits de mère pendant un grand laps de temps. Et maintenant, Aurobindo et mère sont des mécaniques qui vont rester dans les hautes sphères spirituelles, qui ne s'incarneront pas présentement, qui ne s'incarneront pas 20 grands bouts de temps. Il y a des particularités mémorielles d'Aurobindo qui sont déjà réincarnées en France. Mais le volume énergétique de la conscience d'Aurobindo ne se réincarnera pas. Pourquoi? Parce que leur rôle va rester un rôle spirituel, c'est-à-dire que leur rôle va servir, ça va être un rôle de gardiennage, de guide, de personnes qui, à un moment donné, à travers la fusion de l'évolution occidentale et orientale, vont aller se perdre dans les nuées des hautes sphères spirituelles, puis Aurobindo va leur expliquer, un peu comme Krishnamurti l'a fait aux Américains et aux Français, Aurobindo va leur expliquer que la spiritualité, ce n'est pas la finalité, puis que de l'autre côté, il y a une place supramentale que mère a commencé à parler. Mère, elle parlait de neige supramentale, c'est de la manne, c'est de l'énergie vitale supramentale très densifiée. Alors, Aurobindo ne se réincarnera pas comme moi, je me suis réincarné. L'idée créatrice, est-ce le début de la colère mentale? Non, la colère mentale, c'est le début de l'expression plus intéressante de la conscience créatrice. Maintenant, on peut exprimer une conscience créatrice sans faire de colère mentale. Mais il y a des personnes qui auront besoin de faire une colère mentale. Puis une colère mentale, parce que tout le monde a déjà connu ça, sauf qu'il y a une façon de la... on peut technicaliser la colère mentale et la rendre plus efficace. Quand à un moment donné, on se fait écœurer par exemple, par des voisins, par ses enfants, par ses petits-enfants, par du monde autour de nous autres, puis on crie, puis on le chiole après, puis il se passe rien. Puis à un moment donné, on pique une sainte colère. Une sainte colère, c'est une colère mentale. C'est plus trop émotif. Puis là, ça y va par là. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'astral se tasse à toute vitesse et on part. Mais nécessairement, les enfants, les voisins, etc., tout le monde se pousse. Puis là, on vous laisse en paix un petit bout de temps. Mais lentement, l'astral revient, on recommence lentement. Une colère mentale, c'est le début de l'expression de la conscience créatrice. Pourquoi? Parce que par une colère mentale, on peut faire un vide autour de soi. Puis quand on a un vide astral suffisamment correct, ben nécessairement, avec tout le bagage d'informations, puis les canaux énergétiques qui sont créés pour plusieurs individus au niveau de leur intelligence, mais quand on a maintenant un petit peu une pause astral, c'est plus facile de descendre de l'ordre, de descendre certaines choses pour commencer à l'appliquer. Mais ce qui est très important, c'est que l'humain doit vivre comme un chevalier ou une chevalière. L'humain doit vivre comme un guerrier. C'est le guerrier supramental. C'est que la personne, bon, elle fait une colère mentale ou simplement elle pique une colère. Ça, c'est similairement la même chose. Dans le cas de colère mentale, c'est qu'on l'a technicalisé parce qu'il y a des mécaniques astrales que l'on connaît et qu'on peut appliquer. La personne fait une colère mentale, mais une fois qu'elle a fait sa colère mentale, elle ne s'en va pas pique-niquer. Bon, là, maintenant, c'est parfait. Là, maintenant, là, j'ai la paix un peu, puis là, je change des choses. Elle continue, elle doit mener les choses. Et mener les choses, je ne veux pas dire astralement. Moi, quand je mène les choses, je mène certaines choses. Puis il y a certaines choses, quand je pense que je peux les mener, je me rends compte que je ne peux pas les mener. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je cesse de vouloir les mener. Puis je les laisse me mener. Je ne peux rien faire d'autre. Fait que je travaille pas, je me casse pas les dents sur une roche qui est pas assez cuite. Je la laisse mûrir encore. Puis quand elle sera suffisamment molle, là, je pourrai m'attaquer à elle. Quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Alors, l'humain qui fait une colère mentale doit vivre comme un guerrier. À un moment donné, le guerrier va accepter, par exemple, une blessure comme faisant partie du jeu. Même s'il conçoit qu'à un moment donné, il devra se faire une armure qui va éviter les blessures. Mais si en faisant son armure, il se coupe, ben, il comprend. Pour arrêter. C'est niaiseux. Je me fais une armure pour éviter les blessures de mes ennemis, puis je me coupe en la mettant. Parce qu'il va un bon coupant. Trouve ça drôle. Un guerrier, c'est comme ça. Une personne qui n'a pas compris le principe, elle va se dire, OK, il faut se faire une armure, elle se fait une armure. Elle se coupe en la faisant, puis elle dit, ah, les armures, ça sert à rien. Je me coupe quand même, puis bon. Elle n'a pas compris la mécanique. Alors, les individus, bon, ils doivent simplement se faire une armure, non, mais on doit simplement parvenir à être suffisamment centré, puis la colère mentale, c'est ce qui va permettre de faire de l'ordre, puis on agit en tant que guerrier. On comprend qu'on a le droit de manquer notre coup, mais alors là, tous les jours, on a le droit de faire plein de rechutes. Ça fait partie de nos mécaniques. Je suis pas encore capable de courir, mon temps n'est pas bon, mais mon temps n'est pas bon. L'entraîneur aura beau me crier après, me gueuler après, on aura beau me culpabiliser, faites ce que vous voulez, ça change rien, je courrai pas plus vite. Je dois encore m'entraîner. Ben, c'est facile à comprendre. Alors, je m'entraîne. Et puis, à un moment donné, ben, j'arrive à le faire. Alors, la colère mentale, c'est la même chose. C'est ce qui va amener, à un moment donné, l'expression correcte de la créativité, de l'intelligence créatrice. Sauf que l'humain doit s'autoriser à... Il faut que l'humain comprenne les mécaniques. Moi, quand je manque mon coup, j'ai pas manqué mon coup. Le coup a été manqué. Mais c'est pas moi. Lorsque ça s'exprime, la colère... Est-ce que je dois prendre une forme pour ajuster, exemple, parler plus fort ou si je reste stable, c'est la puissance ou le verbe qui vient par la suite? Ben, c'est les deux, mais là, je ne peux pas tout expliquer comme ça parce que ça peut créer certains problèmes. Bon, la personne, elle a fait le séminaire sur la colère mentale, c'est déjà plus facile. C'est évident que la personne doit adopter une autre de forme d'aristocrate, de personne puissance, avec une tête pas trop haute, pas snob, mais juste suffisamment amenée. Crier, oui, à la condition que le centre laryngé soit totalement centré. Il ne faut pas que ce soit déphasé ni vers l'avant ni vers l'arrière, parce que c'est l'astral qui s'exprime. Donc, pas de trémolo, pas rien de ça. Et puis, crier, il faut s'entendre. En réalité, ce n'est pas crier, c'est de porter la voix. Ça se développe aussi et ça devient, on doit avoir une parole juste, on aura une voix juste, c'est le verbe. Et ça a de très bons effets. Mais il y a la colère douce aussi qui existe, que la personne devra, à un moment donné, travailler après une colère mentale qui est plus violente. Quand une personne atteint la transparence, reste-t-il de l'ego? Non. Une personne transparente a une âme pure. Il n'y a pas d'ego. L'énergie passe tout court à travers, puis pas arrêter, puis pas filtrer, puis pas analyser. C'est le savoir instantané. Plus de mémoire, plus besoin de mémoire. Où est-ce que tu restes? Je reste à la place. Est-ce que tu t'en rappelles ou tu restes? Non. Mais là, si tu fouilles, t'en rappelles-tu? Non. Mais comment tu fais pour rentrer chez toi? Je rentre chez moi. L'humain qui est mémoriel ne peut pas comprendre le principe. Alors, la personne, elle va ouvrir un capot d'automobile, puis elle va dire, ben, regarde, c'est ça qui ne marche pas. T'es mécanicien? Non. Et comment tu sais ça? Je ne le sais pas. Mais si tu répères ça, ça va fonctionner. C'est tout. Bon, une personne qui est anégoïque, donc qui est anégoïque, qui n'a plus d'ego, a une âme pure, c'est une personne qui est transparente. Une personne, mais c'est sûr qu'on développe notre transparence. On a encore de l'ego, mais on a des petits bouts qui deviennent transparents. Mais une personne transparente n'a plus d'ego. Albert Einstein, on lui avait demandé son numéro de téléphone, puis il ne savait pas. Ben, c'est sûr, ça ne donne rien de mettre ce numéro-là dans ma mémoire quand il est écrit dans un bouteille, juste aller le lire. De toute façon, Albert Einstein était une personne très transparente, très connectée au plan supramental. C'est ce qui lui a permis de descendre instantanément des choses qu'il disait aux gens après. Ben écoute, je dis que c'est ça. Dans 2 ans, il va arriver telle affaire, là, vous pourrez vérifier. Puis de 2 ans après, il vérifiait, puis quand il disait, ouais, mais tu sais, tu t'es vanté que c'était ça, mais une chance que c'était ça, que c'était refait, ça n'aurait pas été bon. Oh, j'aurais pas compris comment c'est que Dieu a refusé une si bonne théorie. C'est ce qu'il répond au monde. Puis si tu l'écoutes, puis tu le regardes, là, il se prend pas pour un autre. Il est humblement honnête. et sincère. Le bonhomme était correct. Vers la fin, il a commencé à prendre l'expérience. Fait que là, il a commencé à se déconnecter un petit peu. Mais comment se libérer du vertige? Achetez-vous une chaise roulante. Puis levez-vous plus. Le vertige, ça habite les individus qui sont morts dans leur vie antérieure en tombant. Le vertige. Et c'est pas nécessaire de faire des régressions pour voir, pour revivre vos chutes. Vous allez être encore, avoir plus de vertige après. La meilleure chose à faire, c'est de se désensibiliser. Bon, c'est sûr qu'on peut en libérant le karma puis en s'aimant. Le vertige, il va s'en aller, le vertige, si on s'aime. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que la meilleure chose à faire au départ, c'est simplement d'intelligencer les choses, puis de se désensibiliser au vertige. Ça veut dire qu'on regarde un petit peu plus haut, puis un petit peu plus haut, puis un petit peu plus haut, puis un petit peu plus haut, puis un petit peu plus haut. Puis lentement, on donne de l'expérience à l'ego que la hauteur ne tue pas toujours. Parce que ceux qui ont le vertige sont irrémédiablement tirés à tomber, parce que justement, ils sont possédés par des personnalités qui sont déjà mortes en tombant ou qui se sont suicidées. Et puis l'individu ben, vit les mêmes choses. La meilleure chose, c'est la désensibilisation, c'est-à-dire que la personne va réentraîner son ego, être capable de supporter les hauteurs, et puis ça va se faire. Maintenant encore, il faut voir si ça vaut la peine de le faire présentement. Une personne qui est obligée de travailler dans des endroits où elle a le vertige, là, ce serait bon qu'elle se désensibilise. Tandis qu'une personne qui a le vertige puis s'en rend compte de temps en temps, écoutez, continuez à vous conscientiser, là, puis le vertige va finir par disparaître tout seul. Il faut se serrer, mettre du temps et de l'énergie sur des symptômes banals de l'évolution. Bon, moi, j'aurais le vertige, puis lui, il n'a pas le vertige, puis j'ai le vertige, mais si dans la 80% de ce que je fais dans ma vie, là, j'ai pas le vertige, ça vaut pas la peine que je m'attaque à ça. Par contre, si 80% de ce que je fais nécessiterait que j'avais pas le vertige, j'étais un peintre en bâtiment, puis rendu en haut de la troisième tuile, j'ai bien des problèmes, là. Là, ce serait bon que je me désensibilise. Moi, je l'avais pas, je l'ai eu, puis je l'ai plus. Bon, toi, tu l'avais pas, puis tu as réincarné des personnes à un moment donné qui se sont suicidées suite à un problème, puis après ça, ben là, digérant, puis réglant les problèmes, te déconnectant progressivement de cet égrégore-là, ben nécessairement, les entités qui te donnaient le vertige sont reparties. Fait qu'ils s'en vont. Mais il faut faire attention maintenant que tu viens de le dire, tu vérifieras si c'est pas en fait. C'est ça. Oh, ben, ça marche comme ça. Parce que je voulais dire, c'est. Ça y est, je guéris! Oh! C'est dangereux, hein? Faut pas s'inventer trop vite. Ce que je voulais dire, c'est que ça vient, ça peut partir comme c'est venu. Exactement. On l'a pas pendant bien longtemps, mais bang, tu l'as, puis tu ne l'avais pas hier, tu l'as aujourd'hui. C'est ça. Effectivement. Les objets ne brisent plus. Les objets ne brisent plus dans la maison, mais c'est moi que l'on casse depuis un mois. Ça fait mieux de laisser casser les objets. J'ai des vertèbres de déplacer ainsi que mon plate gauche et le chiro a raison. Je visite le chiro à raison de 3 fois par semaine. Je n'arrive pas à les replacer, sinon ils changent le mal de place. Ce processus ne semble pas suivre les lois de la probabilité. Mon lit est devenu tous les soirs un lit de torture. Pourquoi tout cela? Ai-je énormément de karma à payer ou est-ce dû à autre chose? Qu'est-ce qu'une conscientisée qui est au bout du rouleau peut faire? Mais c'est le rouleau qui tasse tout ça. Ce qui est probablement au bout du rouleau, là, c'est pas encore au bout du rouleau. c'est vrai, là. Ouais, c'est, je parle psychologiquement. Là, c'est en dessous du rouleau. Non, je dis pas. Un mal qui voyage est toujours une expression de l'astral, de l'âme, de l'ego dans le corps physique. Fait qu'il contracte des muscles suffisamment longtemps pour tasser une vertèbre d'un bord. Il contracte des muscles suffisamment longtemps pour déplacer une omoplate. L'omoplate est déplacée plus ou moins. Il contracte suffisamment des muscles. Moi, j'ai connu une personne. Un jour, elle s'est déboîté le genou. Bling, flang. Bon. Et puis là, elle s'est placée, puis ça serait, le genou revenait à sa place. Et qu'elle était contente. Et puis, depuis ce temps-là, elle a des problèmes avec son genou. Il déboîte, puis il reboîte, puis il déboîte, puis il reboîte, puis il déboîte, puis il reboîte. Alors, les médecins ont observé, les médecins ont dit, écoute, on ne sait pas ce que tu as, il faudrait qu'on t'opère pour voir. Elle s'est dit, écoutez, je vais m'opérer d'une articulation pour voir, là, franchement. Ah, il a laissé faire. Boîte, déboîte, boîte, déboîte, boîte, déboîte. Puis moi, je disais, c'est psychologique. Ah oui, non, on peut le déboîter quand j'avais 5 ans, et puis depuis ce temps-là, c'est psychologique. C'est psychologique, tu comprends pas. Puis, boîte, déboîte, boîte, déboîte, boîte, déboîte. Et puis, à un moment donné, il est venu me voir, il m'a dit, c'est vrai, c'est psychologique. Je dis, comment ça que tu sais ça? Il dit, ben vois-tu, ça fait un mois qu'il ne s'est pas déboîté. Là, je me suis engueulé avec ma blonde, puis là, la jambe est entourée d'un paquet de bandages, il arrivait de l'hôpital. Ben c'est ça, il s'était rendu compte qu'effectivement, à chaque fois qu'il était nerveux, stressé, que ça allait pas, que ça allait mal, que ça allait trop bien, il boite, déboite, boite, déboite. Quand c'était neutre, le genou il tenait. Il était ambulancier lui aussi, puis il en a fait des cossins, puis des vires de bord, descend dans l'escalier, puis fait ça vite, puis tourne, puis on déboite jamais. Puis à un moment donné, ben ça déboitait tout seul. Ben il y avait un problème émotif. Les muscles travaillent, c'est une vraie farce. Il y a une faiblesse maintenant, puis l'astral s'en va là-dedans. À un moment donné, là, ça va mal, il s'exprime musculairement, il décontracte des muscles, il contracte des muscles, puis là, il suffit d'un mouvement que tu fais normalement qui ne dérange pas, puis là, tout défaut complet. Bon, il y en a qui ont ça avec le coude, il y en a qui ont ça avec les épaules, il y en a qui ont ça avec le vertèbre. Présentement, ce qui arrive, c'est que c'est ça. Avant, probablement, que télékinésiquement parlant, inconsciemment, vous voulez que vous exprimiez une problématique astrale dans les objets. Là, maintenant, vous allez peut-être travailler là-dessus, ou simplement, à un moment donné, votre ego réussit à trouver des créneaux plus facilement accessibles au niveau du corps physique, puis là, on commence à la bouger. C'est intéressant avec le chiro, par exemple, de voir quelles sont les vertèbres qui se déplacent. Puis chaque vertèbre, psychologiquement, peut être liée à un point. Si on a un bon chiro, s'il ne sait pas trouver un autre, il peut être bon pour chiro qui travaille le corps physique, là, mais pas nécessairement pour interpréter. Et puis, à un moment donné, on peut se rendre compte que c'est telle vertèbre, c'est une cervicale, c'est le début de la dorsale, c'est une lombaire. Si c'est une sacrée, là, vous avez un sacré problème. Bon, les vertèbres soudées, ça va, ça se déplace. En tout cas, le bassin bouge avec, ça. Mais on vérifie, puis l'omoplate gauche ou droite, puis après ça, on regarde dans sa vie, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui fait que. Parce que, comme tout à l'heure, je vous disais, la personne peut dire mentalement, j'ai aucun problème. Oui, je n'ai rien contre, mentalement, tu n'as pas de problème. Mais psychologiquement, tu en as un maudit paquet parce que ton corps est tout croche. Ton corps crochit sur le poids de tes problèmes. Je dis bien, encore une fois, la personne a fouillé dans son mental, elle ne va rien trouver. L'ego, c'est un ennemi. Pis quand on commence à se conscientiser, c'est une conscientiser. Bon, quand on commence à se conscientiser, on devient mental, on n'aurait plus le corps astral très souvent. Hein? On veut se couper de certaines choses qui sont trop astralisantes pour l'ego. C'est vrai qu'il ne faut pas nourrir l'ego, mais il faut nourrir le corps astral. L'ego, à un moment donné, prend en panique. Trouve des moyens de ralentir les individus qui se conscientisent. Le corps physique, la famille, les objets, c'est un bon moyen. Le corps physique, c'en est un très bon aussi. Puis là, présentement, l'ego, c'est ce qu'il fait. Il tire. Il y a les apophyses épineuses, là, on tire là-dessus un petit peu, on tire sur une transverse, on relâche l'autre, là, puis on peut tordre des vertèbres. Il peut se passer plein de petites choses. Alors, la personne doit nécessairement commencer à s'introspecter, c'est le temps qu'elle le fasse. Puis s'introspecter pour une personne, bon, elle se couche, puis elle se dit, m'introspecter, je fais quoi? Est-ce que j'ai des problèmes? Eh non, j'ai pas de problème. Et c'est ça, oui, t'as tes problèmes, t'es tout croche. Mais c'est quoi mes problèmes? Trouve-les. Parce que si je l'ai dit, c'est quoi ces problèmes? Ce qui va arriver, c'est que dans deux mois, ben là, c'est une sciatique qu'elle va avoir. Il faut que la personne trouve elle-même ses affaires. On doit être son propre maître. Quand elle va trouver elle-même ses affaires, elle va en même temps comprendre son ego. Puis le moindre moment, il va se passer une affaire, elle va savoir. Même inconsciemment, elle va savoir qu'il se passe de quoi, elle va le régler tout de suite. Si on lui dit qu'est-ce que c'est, elle va régler ses vertèbres-là puis son omoplate, puis là, ça va s'attaquer à d'autres parties du corps physique. Comment elle peut s'informer de ça en se parlant elle-même? En se parlant elle-même, puis en rencontrant des individus qui sont capables de... la personne, par exemple, si elle a fait le séminaire, elle peut avoir accès à une technique de fasciolata. C'est extrêmement efficace pour être capable d'aller savoir ce qui se passe dans ton ego, même si ta tête n'est pas au courant, de toute façon, tu le sais, parce que tu as appris plein de choses sur ton ego, comme ça, en fasciolatisant. Alors, il y a ça, sans ça, il faut que la personne agisse avec d'autres personnes. Des jeux de vérité, par exemple. Si on se réunit de la gang ensemble, là, moi qui n'ai pas de problème, une vertèbre tout croche, là, qu'est-ce que tu as à me reprocher, toi? Tu sais, vas-y, dis-moi là, dis-moi tout. Mais moi, je trouve que t'es ici, que t'es ça, que t'es ça. Fermez-vous la boîte, puis prenez des notes. C'est ça que votre ego est. C'est pour ça que quand vous allez avoir un paquet d'affaires, là, vous allez devoir commencer à étudier. Pas vous concentrer pour ramener la vertèbre à sa place, ça vaut pas la peine. Allez voir le chiro, il va s'occuper de celui-là. Là. Mais vous étudiez. Puis à un moment donné, ben les choses vont se placer tout seul parce que vous allez avoir compris des choses sans comprendre quoi, mais ça va se placer. Continuez à avoir le chiro, évidemment, mais on magasine aussi un petit peu. Parce que moi, j'ai connu un chiro, il n'avait placé une vertèbre. Il l'avait placé, pas à moi, un de mes amis. Elle a été placée. Il fallait qu'il se fasse sauter. À la bonne place. Il l'avait rentré comme il faut. Alors, c'est... David Copperfield est-il un illusionniste de génie ou travaille-t-il avec des forces occultes? Ben, c'est ça. Les deux? Les deux. Est-ce qu'une incarnation pluralitaire peut devenir unitaire? Oui, quand l'humain fusionne son ego. Fusionner son ego, ça veut dire avoir un ego qui devient totalement stable. Ça veut dire qu'on n'a plus de saut d'humeur, on n'est plus manipulable. Ça veut dire que si on est une personne qui est calme, on reste calme, quelles que soient les situations. Alors effectivement, les réincarnations se fusionnent. À un moment donné, on a un ego fusionné. Et puis là, évidemment, on n'a pas qu'un problème de régler. Donc oui. Avoir une vieille âme, qu'est-ce que ça signifie? Si tous les constituants de l'âme sont dissous dans le monde de la mort, comment une âme peut-elle vieillir? Bon, avoir une vieille âme, c'est une expression spirituelle, évidemment, mais ça a une connotation qui approche la réalité dans certains cas. Les personnes qui ont une vieille âme, ce sont des personnes qui ont réincarné à un moment donné la majorité des mémoires ou des constituants mémoriels d'un individu qui a vécu il y a très longtemps, ou de plusieurs individus à travers le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, un corps physique arrive sur le plan planétaire, puis dans sa structure neuronique, endocrinienne, musculaire, etc., osseuse, il a presque tous les mêmes constituants, enfin, il a la même onde de forme qu'une personne qui a vécu il y a 300 ans, il y a 3000 ans, ou il y a 30 000 ans, bon, ou il y a 3 millions d'années. Bon. Alors, nécessairement, le personnage peut être restructuré dans l'astral au complet, puis revenir dedans ici. On pourra dire qu'elle a une vieille âme. C'est assez rare, c'est assez exceptionnel, mais il y a des personnes qui ont des vieilles âmes. Maintenant, il faut comprendre autre chose aussi, c'est que votre corps physique peut attirer réincarnationnellement de l'expérience qui date de 700 ans en venant jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez une âme jeune. Le corps physique que vous avez, ce qui a attiré les phénomènes réincarnationnels pour constituer votre ego puis votre personnalité, finalement, ce que vous êtes aujourd'hui, peut aussi avoir attiré de l'expérience qui date de 60 ans ou qui date de 60 000 ans. Alors là encore, on pourrait dire, il a une vieille âme, elle a une âme jeune. Bon, c'est une fusion de personnalités réincarnatives dans le monde de la mort, mais l'expérience peut être une expérience qui ne descend pas avant, qui ne descend pas à l'époque atlantéenne, ou qui ne touche pas à l'époque lémurienne, ou qui ne touche pas à l'époque hyperboréenne, ou qui ne touche pas à l'époque de la Terre blanche, ou qui ne touche pas à l'époque, bon, hein, rendu 4 milliards d'années en arrière. Mais de ça, on peut dire une vieille âme, une âme jeune. Bon, mais c'est pas flatteur. Vous avez une vieille âme, vous avez de l'expérience, c'est intéressant. Vous avez une jeune âme, vous connaissez rien. C'est bon. Mais une vieille âme, c'est de l'expérience, c'est de la tradition, c'est des habitudes, c'est du problème aussi. Lorsque le Christ est parti de la Terre, qu'a-t-il résorbé? Qu'est-ce que résorber un faisceau? Résorber un faisceau, ça veut dire... ramener toute l'eau qui a coulé à travers le boyau d'arrosage, puis ramener, gruger le boyau d'arrosage en même temps, puis ramener le boyau d'arrosage en même temps que l'eau, tout rentrer ça dans le robinet, le boyau et eau compris. Ce qui fait qu'après ça, ben, il n'y a plus de boyau, puis il n'y a plus d'eau, puis il n'y a jamais eu d'eau, puis il ne s'est rien passé. C'est ce qu'il a fait lui. Puis il a sauvé son monde, son humanité, puis il l'a résorbé. Une résorption, c'est ça. C'est comme si j'éclaire avec une lampe, puis quand je résorbe mon faisceau, j'éteins ma lampe, mais éteindre la lampe, c'est pas résorber. Je résorbe, ça veut dire que j'enclenche un processus inverse, puis toutes les photons qui ont été mis par ma lampe reviennent à ma lampe. Voilà. Là, c'est résorbé. Ça gère la lampe en même temps. Si on résorbe la lampe, effectivement, oui. Dans quelques conférences, ou probablement il y a quelques conférences, au moins que ça soit une lecture dans le futur, dans quelques conférences, tu dis que nous n'avons qu'à suivre notre plan de vie. Qu'est-ce qu'un plan de vie? Bon, le plan de vie, c'est on n'aura pas le temps d'expliquer cela. Tu n'aurais pas pu poser une question qui est plus courte, parce que là, mon plan de vie, moi, il me dit que... La question est courte. Oui, mais quatre lignes. Bon. Okay. Qu'est-ce qu'un plan de vie? C'est pas long. Qu'est-ce qu'un plan de vie? Okay. C'est ta trame cosmique. C'est pas long, la réponse. C'est ça. Puis garde-la, on reviendra avec. Okay. Ça là est longue. Dis-moi la différence entre se défendre avec pouvoir et se défendre avec puissance. Bon, se défendre avec pouvoir, c'est que l'ego profite de l'occasion pour se défouler, pour varger, comme on dit en québécois. L'ego profite de l'occasion pour être supérieur à l'autre, pour inférioriser l'autre, pour se satisfaire lui-même. Se défendre avec puissance, ça veut simplement dire que notre défense est implacable, toujours bien, bien ajustée, donc on ne va jamais trop loin. Quand c'est plus nécessaire, ça arrête. L'ego, il trouve pas de profit, l'humain, il trouve pas de profit, l'humain se supériorise pas, l'humain infériorise pas l'autre, l'humain se pense pas pour rien d'autre, l'humain trouve correct de ne pas avoir été attaqué. Il s'est défendu avec puissance. Tu bloques le coup, mais tu t'en vantes pas. Oui, avec la puissance, je dis bien. Qu'est-ce que la vraie politique? Ben là, ça dépend. Là, la vraie politique, c'est de la chenoute, puis la vraie politique, ça peut être autre chose. La vraie politique, c'est... On va parler de trois vraies politiques. Tu peux poser des questions. Ça sera pas long. La première vraie politique, c'est l'expression exotérique de mécanique ésotérique. Exotérique, ça veut dire communiquer vers l'extérieur. Ésotérique, ça veut dire communiquer vers l'intérieur, du point de vue avec par extrapolation. Ésotérique, c'est les choses qui sont cachées au grand peuple, puis exotérique, c'est le message qu'on veut leur donner. Autrement dit, on va dire, par exemple, que, prenons l'exemple de la muraille de Chine, on bâtit la muraille de Chine parce qu'on veut préserver notre beau pays contre les envahisseurs étrangers. Ça c'est exotérique. Exotérique. Hein. C'est de la politique. Ésotériquement, on veut bâtir la muraille de Chine de façon à occuper tout le peuple chinois pour qu'il pense pas. On fait ça pendant des générations. Parce que franchement, la muraille de Chine, attaquez-moi ça, tu sais. À grandeur, ça là, vous prenez 4000 soldats, vous attaquez un point. Ils sont 4 là-bas, le garder. Tu sais. À grandeur, ça là, la muraille de Chine, ils sont pas assez pour garder la Chine. Puis ça mesure, c'est pas long à escalader. Pas un gros château. Puis une fois que le traversé, ça ne sert à rien. C'est vraiment une construction débile. Mais exotériquement, en politique, en vraie politique, de cette façon-là, on va manipuler des masses humaines en leur donnant des raisons politiques pour qu'ils soient corrects. À un moment donné, on disait aux gens qu'il fallait préserver la langue française, qu'il fallait préserver la langue française partout au Québec. Pendant ce temps-là, on avait une politique qui faisait que les compagnies étaient toutes anglaises. Pendant que les gens, eux autres, on appelait ça le joual de Troyes. À l'époque, c'était ça. Pour préserver la langue française, là, c'est le joual de Troyes. Bon. Alors, pendant que les Québécois s'occupent de ça, on fait d'autres choses. Alors, il y a des politiques comme ça. Comme Saddam Hussein, il a été placé par les Américains là. Finalement, il a fait des petites choses parce que les extraterrestres qui ont chatouillé le nombril. Et puis, pourquoi les Américains ne l'ôtent pas de là? C'est parce que c'est préférable d'avoir un gars au pouvoir qui est détesté par un peuple dangereux que de le tuer ou l'éliminer. Là, il va être remplacé par un autre que tout le monde va aimer. C'est bon. Politiquement parlant, on va dire qu'on peut pas, on n'arrive pas à le faire. C'est la politique, ça, là. Ça, c'est de la vraie politique du point de vue des gouvernements. La vraie politique planétaire, c'est une politique qui, elle, gère totalement le phénomène évolutif des extraterrestres, à qui on a donné un film, un scénario particulier qui s'appelle « Le ciel, le monde de la mort », auquel les humains sont connectés parce qu'à un moment donné, ils sont mêlés génétiquement à Lémurie avec les extraterrestres. Ça a créé l'âme chez l'humain, etc. Et alors, la politique planétaire, c'est une politique évolutionnaire et conscientisative qui privilégie l'évolution au détriment de la conscientisation, qui privilégie le traditionnalisme au détriment du neuf. Et ça, c'est une politique qui va faire en sorte qu'on va implanter des dieux particuliers et on va dire « Dieu t'aime ». Dieu t'aime, Dieu t'aime. Puis quand tu veux faire le bien, ben si c'est pas le bien que Dieu veut, tu te casses le nez comme il faut. C'est une politique que l'humain va parvenir à comprendre à un moment donné, où l'humain va découvrir qu'à travers les plans de Dieu, ben les plans de Dieu sont un plan dans des plans. Puis il y a des plans dans des plans, des plans dans des plans, etc. Puis quand l'humain va comprendre cette mécanique-là, il va finir par s'associer à son plan de vie, sur lequel on viendra. L'humain va s'associer à un plan qui est à lui. Il va se dissocier de toutes les mécaniques qui ne le touchent pas. Parce que l'humain, ce n'est pas un être évolutif, c'est un être conscientisatif. L'humain, ce n'est pas un être qui doit souffrir. L'humain, ce n'est pas un être traditionnel. L'humain, c'est un être qui doit aller vers le neuf. Mais dans sa structure actuelle, à cause des politiques planétaires, des politiques ésotériques et occultes, l'humain se fait ramasser là-dedans. La vraie politique telle qu'on pourrait la faire en tant qu'être humain intelligent, c'est une politique qui ne vend pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un exemple, on est un village et puis on décide qu'on a besoin d'un maire de village. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend des... aucun maire. On prend un dirigeant. T'sais, on demande qui veut diriger le village. Il y en a un qui décide, parfait. On le vote. On le vote à l'humanité qui dirige le village. Là, on vit pendant un an de temps. Puis on regarde pas celui qui dirige le village trop tôt, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de le démolir. C'est pas ça la politique. Là, on parle de vraie politique intelligente. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vit dans le village. On se parle. On vit. Au bout d'un an, ben là, on se connaît. Là, ce qu'on fait, c'est que là, on décide, bon, ben tiens, on vote un nouveau maire. Alors, moi, je mets sur un papier le nom de qui je veux. Tout le monde met le nom de qui il veut. On se connaît tout le monde. Hein? On met le nom de qui on veut. Personne ne se présente. Personne, on n'a pas besoin de se présenter. Parce que là, on va voter pour le moins bon, pour le moins pire, plutôt. Et là, ce qui arrive, c'est qu'après ça, on prend les scrutins, puis on regarde, puis là, tiens, il y en a 15 qui ont choisi un tel, puis 8 un autre, puis les autres ont choisi un paquet de monde. Ce qui fait que celui-là, c'est celui qui a été le plus apprécié de par son vécu, en tant que si on cherchait quelqu'un qui dirigeait, bien, on choisit quelqu'un qui dirige bien, on trouve qu'il a bien dirigé sa ferme, on trouve qu'il a bien dirigé des choses. Et puis, c'est celui-là, là, il demande, accepte-tu? Lui, s'il accepte, il accepte. Ça, c'est ça, on parle de vraie politique. Puis, nécessairement, ça veut dire que s'il y aurait une opposition, parce que dans le contexte des fausses politiques, il faut de l'opposition. Parce que l'opposition est là pour être contre ce que l'autre veut faire, puis quand on inverse, bien, l'opposition, les régimes qu'on a aujourd'hui, c'est comme les pays de bananes. Moi, j'étais au Guatemala. Le gouvernement, il se fait attaquer comme par la guerrière rose, qui est l'ancien gouvernement qui était en place, renversé par la guerrière rose, qui est maintenant là. Puis, chacun est toujours contre le peuple, puis chacun dit qu'il est pour le peuple, puis c'est la même chose. T'sais. L'opposition, ils sont contre, puis quand ils sont au gouvernement, ils sont pour, puis quand... Alors, il y a trois vraies politiques. En attendant, passez une belle fin de semaine. La semaine prochaine, les dangers de la matérialisation. Bon, ça va aider la majorité de ceux qui ont des problèmes de conscientisation puis qui comprennent pas ce qu'ils comprennent. Bonne semaine. Bonne semaine.